Timothée, chapitre 3, c'est là qu'on est rendu. Et je me suis pratiqué sur les deux autres groupes avant, nous autres, d'aller avoir le meilleur. Quand ils font des grimaces, quand j'enseigne, les deux autres groupes, là, je l'enlève sur la feuille. Quand ils sourient, je l'enlève. On va accentuer. Et on est dans le chapitre 3, on va terminer le chapitre aujourd'hui. Et on va essayer de comprendre pourquoi les évêques et les serviteurs, qu'on appelle diacres, dans l'épître à Timothée. Qu'est-ce qui fait la différence? Il faut des fois se battre avec notre arrière-plan, nos habitudes chrétiennes évangéliques, parce qu'on est élevé, tout chacun de nous ici, ça fait 15, 20 ans, 40 ans qu'on est dans les églises, on a une idée de fait déjà dans notre temps. Et quand on vient pour les changer, ces idées-là, c'est difficile. Et en plus, l'autre désavantage qu'on a, c'est qu'on est tous vieux. Et plus on avance en âge, plus c'est difficile de changer d'idée. Vous le savez, ça, hein? Êtes-vous d'accord avec moi, les vieux? Ben, j'ai un peu pas de quoi dire. Vous autres, vous êtes encore jeunes, un petit peu. Mais quand on vieillit, c'est difficile de changer nos habitudes, nos croyances, nos perceptions. C'est plus difficile. Et quand on se considère la Bible, c'est aussi la même chose. Donc, si on a entendu pendant 30 ans un enseignement, et là, quelqu'un amène un autre enseignement, la première chose qu'on a tendance à faire, c'est « Wow, wow, wow, c'est pas ça que j'ai entendu. » Donc, il faut être capable. Je disais ça à un enseignant cette semaine. Si tu n'es pas capable de changer d'idée, c'est mieux de ne pas enseigner. Il faut que tu sois capable de voir dans 5 ans, puis je me suis trompé, puis tu vas virer bon. Sans ça, si tu n'es pas à faire ça, tu es mal pris, là, parce que je fais une prophétie, tu vas te tromper à des places. Il va falloir que tu te repentent, entre guillemets, reviennent sur tes décisions, tes enseignements, parce qu'on n'invoque pas, nous, l'infaillibilité en tant qu'enseignant. Donc, on va continuer, on va finir au chapitre 3, et on va essayer de le mettre dans le contexte d'un Timothée. On va commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, il est bon de s'arrêter et de regarder à ta parole. C'est notre seule place où qu'on peut aller pour avoir la vérité. C'est la seule place qu'on peut aller pour savoir ce que tu veux, ce que tu penses. Mais tu sais, Seigneur, à quel point, des fois, on peut être lent à comprendre. Des fois, on est difficile à comprendre. Des fois, on est un peu même insoumis. C'est ce qu'on appelle la désobéissance. Le chrétien peut être désobéissant. On te demande, Seigneur, que par ton esprit que tu as mis dans chacun de nous, que nos cœurs soient réceptifs et que nos cœurs puissent s'adapter continuellement à ce que tu nous enseignes dans les Écritures. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Je vais faire lire le chapitre 3 au complet. Mais avant de le faire lire, on va résumer un petit peu chapitre 1 et 2. Parce qu'il y a... Ça l'influence nos données, ma compréhension du contexte influence ma compréhension des textes. Que je le veuille, que je ne le veuille pas, même moi, que ça fait des années, ça fait 30 ans que j'enseigne de plus en plus dans le contexte, et je suis obligé de me reviser et dire, tu n'avais pas saisi le contexte comme il faut à 100%, réajuste ton contexte. Et quand tu réajustes le contexte, tu es obligé de réajuster tous les textes par après. Tu vois, il faut que je réajuste un petit peu parce que je n'étais pas vraiment en bonne place. Et ça, c'est ça qui est intéressant avec Dieu. Dieu ne tient pas rancune de nos erreurs passées. Il nous dit, bah, tu es un bon petit gars, tu t'es réajusté, continue, ajuste-toi, continue, puis va de l'avant. On ne peut pas s'apitoyer sur le passé et dire, ben, malheur, malheur, malheur. J'ai compris aujourd'hui, puis je pars de là, puis j'avance. C'est ça qui est important. Et vu qu'on ne croit pas, nous, aux récompenses dans le ciel, fait que ça n'a pas d'importance quand on change d'idée. On change d'idée, puis peu importe comment ça fait tant qu'on est chrétien, ça ne changera pas notre salut, ça ne changera pas notre justification devant Dieu. Paul a laissé Timothée à Éphèse, pas par plaisir, pas parce qu'il trouvait Timothée tannant. Ou, ça fait longtemps que tu me suis là, tu es rendu assez vieux, prends tes ailes. Non, Paul voit dans l'Église des problèmes, des difficultés. Et automatiquement, il faut tenir compte de ça quand on lit l'Épître. Timothée, il essaie non pas pour structurer une Église qui va bien, mais de ramener une Église dans la vérité, ou de les avertir, ou de les reprendre. On va voir ça au chapitre 5 surtout, et c'est le chapitre des réprimandes. Réprimandes, doucement, mais réprimandes. Il semble que c'est quasiment tout le monde qui a besoin d'être réprimandé. Il parle des vieux, par des vieilles, par des jeunes, par des jeunes femmes. Il parle quasiment des veuves, il parle quasiment de tout le monde. Parce que tout le monde est influencé par les autres doctrines qui avaient été enseignées. Donc, ces croyants-là avaient enligné leur vie chrétienne sur des doctrines qui ne venaient pas de Dieu. Donc, quand tu leur dis que la doctrine est fausse, ils sont obligés de réaligner leur vie par rapport à la nouvelle doctrine qui est donnée. Puis là, il s'était comme amouraché, comme on dit des fois, où il avait commencé à suivre des fables, il avait commencé à suivre des vains discours, des discours profanes. Quand on parle de profanes, on parle des choses qui viennent du monde et non pas de Dieu. Des fois, c'est marqué des discours absurdes. Pourtant, les chrétiens sont intelligents. Comment peuvent-ils suivre des discours absurdes? Hein? La séduction, c'est fort. La séduction, c'est fort. Donc, il dit, je te laisse là pour que tu travailles avec les gens, avec l'Église. On ne sait pas combien de temps il va rester là. Quelques années peut-être. Hein? Parce qu'il y a deux épîtres. On n'est pas sûr si Timothée reçoit la deuxième épître pendant qu'il est encore à Éphèse. Mais il la reçoit. Donc, il a resté un temps, du moins. Il a travaillé avec l'Église pour redresser l'Église dans la vérité. Et pourquoi redresser? Pourquoi c'est si important de redresser constamment nos vies, individuelles et en tant qu'Église? Redresser nos vies parce que ça joue, ça a un impact sur d'avoir un amour pour Dieu avec un cœur pur. Ça a un impact sur d'avoir une conscience pure. Ça a un impact sur avoir une foi pure. Donc, si je ne redresse pas, je m'éloigne. Puis, à un moment donné, je suis rendu assez loin, tu sais, puis l'Évangile. Cette semaine, je m'assieds avec un frère. Puis, dans ma tête, ça va être facile, ce que je vais lui dire. Dans ma tête, parce que le gars, il est là depuis 47 ans. Hein? Il est là depuis 47 ans. Je lis un texte avec lui, puis on finit par... Alors Jésus commença à prêcher, « Repentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. » Et je m'aperçois que la repentance, pour lui, c'est pour une sœur qui m'a appelé d'une autre église, il y a 3-4 ans, et elle m'a dit, « Le pasteur dans notre église enseigne que la repentance, c'est pas nécessaire au salut. » La repentance, ça, c'est le chrétien qui se repent jour après jour, des petits péchés qu'il fait, il se repent, puis il demande pardon à Dieu. Ben, elle dit, qu'est-ce que je fais, François? Parce que je l'ai enseigné, cette femme-là, pendant 8 ans. Donc, elle avait une connotation de la repentance autre que... J'ai dit, tu as-tu dit? Elle dit, oui, je t'allais lui dire, je l'ai dit, pourquoi je ne croyais pas ça? Puis elle dit, il ne veut pas rien faire. Je lui ai dit, si tu peux vivre là, puis d'être capable de dire ce que tu penses, ou tu changes de direction. Et elle a changé de direction, elle a changé d'église. Elle est partie dans une autre église. Parce que, selon elle, c'est assez important pour changer d'église. Donc, c'est sûr que si on n'est pas repris, moi, je dirais, tu sais, quand vous avez un arbre jeune qui pousse croche, qu'est-ce que vous faites? Un tuteur. Un tuteur. Vous n'attendez pas qu'il y ait 2 pieds sur la souche, hein? Parce que vous ne serez pas capable de le redresser. Vous ne serez pas capable de le redresser. Si vous tout de suite, vous voyez qu'il a tendance à aller sur le croche, vous mettez un poteau, vous mettez avec un élastique, vous tirez dessus tout de suite, en espérant qu'il va reprendre sa place tranquillement. Vous ne le cassez pas, là, vous dites tranquillement, vétant, avec un élastique, il va tirer. Puis à un moment donné, tiens, il s'est redressé. Il est parti sur sa bonne direction. Et c'est un peu pareil dans la vie chrétienne. Donc si on n'accepte pas, si on ne croit pas d'abord, si on n'accepte pas d'être corriger, ramener dans la voie droite. Un moment donné, on est tellement proche que c'est quasiment impossible de revenir. Donc, c'est devenu difficile. Donc, l'apôtre Paul, dans ce but-là, dans le but de redresser l'Église, dans le but de ramener l'Église à une foi pure, à une foi saine, et d'enlever les doctrines qui n'étaient pas de Dieu, parce qu'il avait été enseigné, d'éliminer les formes et les discours de vieilles femmes, comme il appelle. Je crois que c'est un dicton, ça. Il ne faut pas voir les vieilles femmes comme toutes des mémères, là. Mais c'est qu'on va dire, c'est une vraie mémère, ce gars-là. C'est une vraie mémère, cette femme-là. Ça ne veut pas dire qu'elle est vieille, ça veut dire quoi? Qu'elle parle tout le temps aux gens. Donc, on dit qu'elle est mémère. Ça veut pas dire qu'elle est vraiment une mémère dans le sens de l'âge. Je crois que les discours de vieilles femmes, c'est une expression, c'est des choses qui n'ont pas d'importance, qui sont secondaires, des fois même, on pourrait les mettre à la 10e place. Mais il dit d'enlever ces discours-là, de dire aux gens ces discours-là. Et Paul, il va dire à Timothée, dans le chapitre 4, la semaine prochaine, on va commencer, il dit, « Si tu dis ça aux gens, tu vas te sauver toi-même et tu vas les sauver eux aussi. » C'est fort, c'est fort quand il dit ça. Tu vas juste dire, ben là, non, tu vas les sauver. Et tu vas te sauver toi-même. Donc, il faut faire attention. Il n'est pas en train de parler de justification, là, parce qu'on est tous assez vieux pour savoir que la justification, c'est par la foi en la croix. Mais de quoi il parle? Sauver de quoi? Et on va le voir la semaine prochaine. Donc, je vais faire lire le chapitre 3 en entier. On va regarder et on va essayer de saisir. Pourquoi parler des évêques et des diacres en même temps? Je me serais attendu à ce qu'il aille parler des évêques pour redresser doctrinalement. Quand on parle, on pense de redresser l'Église doctrinalement, on pense pasteur, ancien. On va voir que les diacres aussi. Ah! Puis on va changer le mot diacre, on va mettre un mot qui va nous inclure toute la gang. On va mettre le mot serviteur. Parce que le diacre, ça nous inclut en erreur, nous autres, les baptistes. Les diacres, c'est juste quelques-uns dans l'Église. Serviteur, c'est tout le monde. Voyez-vous, c'est différent. Et c'est pas juste quelques personnes dans l'Église. Parce que le mot dans l'original, vous savez comme moi, c'est serviteur. Nous, on a fait des diacres, des gens. Et ils dirigeaient quasiment l'Église à un moment donné. Ils étaient sur les conseils d'Église, donc on avait une connotation un peu différente. Donc, faisons lire, puis on revient à ça. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 3. Est-ce que vous comprenez? Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni abonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes, d'eux-mêmes, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme, et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Gardez vos yeux sur les trois derniers versets, je vais commencer là. Quand on parle d'évêque et qu'on parle de diacre ou de serviteur, je vais essayer de. Je suis tellement habitué de dire diacre que je veux dire serviteur, mais je dis diacre pareil, tellement je suis entré dans ma tête. Je vais essayer de dire le mot serviteur à la place. Quand on choisit quelqu'un pour faire un travail, ça va dépendre du travail que vous avez à confier, n'est-ce pas? Vous allez choisir en fonction du travail que vous avez à faire. Vous n'allez pas dire, je vais choisir après ça, mais je vais y choisir. Mais j'ai choisi le gars, là, que je l'aime, là, il est cute, il est fin, là. Là, je vais essayer de trouver un job. C'est pas de même, ça marche. Okay? Tu as déjà dans ta tête une fonction à remplir dans l'usine ou dans la compagnie. Là, tu cherches la personne qui va remplir cette fonction-là. Et quand on parle d'évêque et de serviteur, il faut se rappeler qu'on cherche quelqu'un qui va travailler dans la maison de Dieu. C'est une autre histoire. C'est pas frivole, patente-là. C'est pas une petite job, là. C'est pas une jobinette, là. Tu veux travailler dans la maison de Dieu. C'est la plus grosse compagnie, puis la plus importante compagnie, la job la plus importante sur le globe. Tu veux travailler dans la maison de Dieu. Tu veux servir le peuple de Dieu. Et tu veux participer à cet organisme qui est la colonne et l'appui de la vérité dans le monde. Tu dis, ouf, c'est important cette affaire-là. Là. L'Église, c'est important. Là. C'est magistralement important. C'est absolument important dans la vie du chrétien. Je veux servir dans la maison de Dieu ou dans le temple de Dieu. Je veux servir le peuple de Dieu. Et je veux participer à ce que ce peuple-là soit la colonne et l'appui de la vérité dans le monde. Ce n'est pas la Bible qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'Église qui se sert de la Bible qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est le peuple de Dieu qui est la colonne de la vérité. Donc si M. Legault serait sage, quand il veut savoir qu'est-ce qui est vrai moralement ou spirituellement, il interrogerait l'Église. Quand il veut faire des lois sur la moralité, sur la famille, sur l'éducation, il devrait demander à l'Église qu'est-ce que Dieu en pense. Mais vu qu'il ne croit pas en Dieu, il ne le demande pas à l'Église, on le sait ça. Parce que s'il croirait que c'est nous, l'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité dans le monde, il dirait, on va aller leur demander conseil, c'est sûr. Mais dans le texte de chapitre 3, il a commencé en disant, si quelqu'un aspire à travailler dans la maison de Dieu, voici les qualifications. Parce qu'ils aspirent à une job excellente. Qu'est-ce qui se fait que c'est excellent? C'est parce que t'es dans la maison de Dieu. Tu te mets à... Parce que si c'est la maison de Dieu et si c'est les serviteurs de Dieu, tu veux servir Dieu. C'est plus que servir ton mari, c'est plus que servir ta femme, c'est plus que servir ton gouvernement. Tu veux servir Dieu. Wow! Tu te dis, ouais, OK. Ça prend-tu des critères pour servir Dieu? Ben oui. Ben oui, ça prend des critères. Et c'est pas ça que j'avais déjà remarqué, j'ai déjà fait de la recherche, mais tous les qualificatifs d'évêque et tous les qualificatifs de diacre sont les mêmes. Excepté une chose, un peu avec une nuance. Puis si vous remarquez dans l'ensemble du Nouveau Testament, tous ces qualificatifs-là sont là pour tous les croyants, hommes et femmes. Tu sais, il n'y a pas juste les anciens et les serviteurs qui doivent avoir juste une femme. C'est tous les hommes de l'Église doivent avoir juste une femme. C'est pas juste, ah ben moi je ne suis pas serviteur, je ne suis pas un évêque, donc je peux avoir deux femmes. Ben non! C'est pas juste eux autres qui doivent bien diriger leur maison. C'est tous les hommes doivent bien diriger leur maison. C'est tout le monde. Tout le monde doit être honnête, tout le monde doit être réglé, tout le monde doit être sobre, tout le monde doit être... Tout le monde doit ça. Donc pourquoi est-ce que tu donnes des qualificatifs que tout le monde doit avoir? Ça veut-tu dire que tout le monde peut l'être? Moi, je crois qu'il y a des hommes dans l'Église qui sont plus matures que les évêques qui sont dans l'Église. Ça veut dire qu'ils sont évêques. Mais ils peuvent être plus matures que les évêques eux-mêmes. Mais ils n'aspirent pas à la charge d'évêque. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas... Moi, je peux dire qu'il y a des chrétiens qui ont 45 ans, 50 ans de vie chrétienne, puis le pasteur en a juste 15. Je crois que ces gars-là sont plus matures que les pasteurs en grande partie. Mais ils n'aspirent pas. Puis ils ont le droit de ne pas aspirer, là. C'est pas un ordre. Mais si quelqu'un aspire, si quelqu'un veut servir dans l'Église comme évêque, il y a des qualificatifs qu'on a vus la semaine passée. Et je crois que c'est la même chose pour les diacres. Si quelqu'un veut servir dans l'Église, il y a aussi des qualificatifs. Si tu aspires à servir dans l'Église, tu dois avoir des qualificatifs qui viennent de Père. Parce qu'on est conscient qu'on veut servir Dieu. Donc, je veux servir, mais je ne suis pas en train de servir juste un organisme, un bâtiment ou quelques chrétiens. Non, je veux servir Dieu et le peuple de Dieu. C'est toute une histoire. Donc, je devrais m'imposer moi-même des qualificatifs. Je ne devrais pas avoir besoin des autres pour me les imposer. Je devrais juste me dire, pour servir Dieu, je veux être à la hauteur pour servir mon Dieu. Pourquoi c'est si important? C'est tout simplement, ça joue sur le fait que l'Église va garder la vérité. Ça joue sur le fait que l'Église va garder la vérité. Si les serviteurs dans l'Église ne sont pas matures, ben imaginez-vous donc que l'Église va partir dans toute une mauvaise direction. Quand nous, en tant qu'Église baptiste au Québec, quand on veut voter là, la dernière fois que j'ai entendu parler au Québec, là, ça fait quelques années déjà, il y avait 15 églises qui étaient à la recherche de pasteurs. Il y avait une quinzaine d'églises, peut-être un peu plus, au Québec, qui n'ont pas de pasteur. Ils cherchent un pasteur. Et si tu leur demanderais pourquoi ils veulent avoir un pasteur, il y aurait différentes nuances. Là. Moi, je me souviens quand j'avais arrivé, j'ai travaillé avec quelques églises. Puis à un moment donné, quand t'arrivais comme pasteur, « Enfin, l'Église, elle va grandir! » Tu vois-tu, ça, c'était son idée, lui, à ces personnes-là. « Enfin, l'Église, elle va grandir! » Nous autres, la gang de chrétiens, t'es pas capable de faire grandir. Mais le pasteur arrive, il va la faire grandir, lui! Ça va marcher, toi! Hein? J'avais dit à une église, « Si vous me mettez ce fardeau-là sur moi, je m'en vais. » C'est pas ma responsabilité en moi de faire grandir l'Église, c'est notre responsabilité de faire grandir. Là, tout d'un coup, c'était moins drôle de dire que c'était notre responsabilité. Donc, c'est l'important de bien comprendre. Quand Paul, lui, va mettre en place, qui dit à Timothée, quand tu vas mettre en place, si quelqu'un aspire à un job d'évêque ou de diacre, ce n'est pas pour organiser l'Église, mettre des ministères pour les enfants, pour les adultes, pour mettre des ministères pour les ados, pour la musique. C'est pas ça. Quand ils mettent des évêques et des diacres, c'est pour redresser l'Église. C'est pour redresser l'Église. Voyez-vous la différence? Donc, quand moi, là, j'avais été dans l'Église des Fêtes, j'aurais dit, bon, on m'aurait demandé mon opinion, j'aurais dit, François, la semaine prochaine, on fait un vote, là. On va mettre en place quelqu'un pour redresser l'Église spirituellement par moi. Ça aurait peut-être changé notre façon de percevoir la job d'évêque ou de diacre ou de serviteur. J'aurais peut-être vu ça autrement. J'aurais été obligé de me dire à moi, personnellement, quoi? Oui. Oui? Tu sais pas, tu es en train de dire qu'on est dans le champ de patates. Tu es en train de nous dire qu'on s'est égaré. On est tout correct, ça, nous autres, là. Qu'est-ce que tu dis là, Paul, redresser l'Église? C'est, habituellement, c'est quelqu'un d'autre qui doit nous dire si on marche croche. Parce qu'on ne se voit pas quand on marche. Tu as envie de dire, hé, tu marches croche, là? Tu voulais l'avenir d'Élise à l'auto tout à l'heure, puis quand elle s'est assise, tu bois encore. tu vois les gens venir parce que tu as un œil à l'extérieur, tu vois un peu plus. Et l'apôtre Paul avait vu l'Église. C'est ça qu'il dit à Timothée. Fais cela. Donc, on a vu la semaine passée qu'il devait mettre des anciens. Mais les anciens, ou les évêques, le mot veut dire quoi? Gardiens, surveillants. Tu désires surveiller, tu désires garder le troupeau, tu veilles, tu veux consacrer ta vie à faire ça, à veiller sur l'Église, pour qu'elle reste avec un cœur pur, une foi pure, une conscience pure. Tu veux travailler à ça, toi. Et donc, si, ben voici les qualificatifs. Moi, je vous ai dit la dernière fois, la première personne qui peut me qualifier ou me disqualifier, c'est moi-même. En lisant les qualificatifs que Paul donne ou que Timothée va donner à l'Église, je devrais dire, est-ce que j'ai ces qualificatifs-là? Si je ne les ai pas, je ne devrais pas me dire, je vais garder mon aspiration, mais je vais faire un bout de chemin avant de m'embarquer. Parce que si j'aspire à ça, je dois être ça. Donc, ça devrait être ça. L'Église aussi a un droit de regard là-dessus, bien entendu. Ou les autres anciens, ou Timothée, dans notre contexte. Donc, et là, quand on arrive au verset 8, on retrouve, verset 8 à 13, les mêmes qualificatifs que les anciens. Si vous prenez le temps de comparer, là, vous savez que j'aime faire des colonnes, hein? Vous faites des colonnes, évêque, diacre, puis moi j'ai fait une troisième colonne, chrétien. Ordinaire, chrétien ordinaire, sont moins que les serviteurs ou les diacres. Non, fais-toi. Tu pouvais mettre les qualificatifs qui sont dans les trois colonnes. Il n'y a pas personne qui est appelé par Dieu à avoir une maturité plus grande que les autres. Il n'y a personne qui est appelé par Dieu à avoir une maturité plus grande que les autres. On est tous appelés à avoir la même maturité. On est tous appelés à avancer. On est tous appelés à être des gens les plus matures qu'on peut pour Dieu. Mais pourquoi, ces critères-là, c'est les critères de tous les croyants? Comme ça, tout le monde pourrait être évêque? Est-ce que tout le monde pourrait être diacre ou serviteur? Si c'est toutes les mêmes qualificatifs pour tout le monde, pourquoi est-ce que nous, tout d'un coup, on déciderait que ça n'en prend, lui, il devrait être plus, lui, peut-être un peu plus mature, donc. Et la grande différence, c'est t'aspires à. Mais aussitôt que t'aspires à, soit d'être un évêque, ou que t'aspires à être un serviteur dans l'Église, si t'aspires même pas, encore, les qualificatifs, tu n'as même pas besoin de t'en occuper. Là. Mais si tu aspires à, tu devrais dire, je vais regarder les qualificatifs que Dieu me demande. C'est pas Paul qui a fait le CV, là. C'est Dieu lui-même qui a fait le CV. Là. C'est Dieu lui-même qui demande qu'est-ce qu'on doit être pour le servir. C'est pas l'Église qui établit les standards. Ce n'est pas nos maris ou nos femmes qui établissent les standards, c'est Dieu lui-même qui a établi les standards. Soit qu'on les accepte ou soit qu'on les rejette, c'est à nous autres de voir la question, mais c'est lui qui les a établis. Vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas la parole de Paul, hein? On lit la parole de Dieu nous autres aujourd'hui, là. On lit pas la parole de Paul, on lit la parole de Dieu, et c'est Dieu qui dit ça à travers Paul et ou à travers Timothée. Les diacres aussi, donc de même, il y en a qui ont des bibles qui disent de même les diacres, de la même façon que les anciens, de même les diacres ou les serviteurs. Vous savez que le mot diacre, on appelle ça en français quoi? On appelle ça, c'est un grand mot, là, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire une madame, non? J'avais un autre mot, mais ça par rapport. C'est le mot translittération. En français, on appelle ça une translittération. C'est une traduction d'une traduction. C'est une traduction sans traduire. On a pris le mot grec, diakonos, puis on a fait un mot français avec, diacre. Mais on n'a pas traduit. Si on avait traduit, on aurait dit serviteur. Moi, j'avais épiscopat. Non, ça, c'est pour l'évêque. Ah, OK, ça, c'est pour l'évêque. OK. Épiscopat, c'est évêque. Un épiscope, c'est quelqu'un qui surveillait un district chez les Grecs. Et le mot diacre, Paul va dire plus loin à Timothée, joue ton rôle de diacre en tant qu'évangéliste. L'évangéliste est aussi un serviteur. L'évêque est aussi un serviteur. Et les chrétiens sont tous des serviteurs. Donc, dans le fond, on est tous des serviteurs. Peu importe quel rôle que je joue, je suis un serviteur dans la maison de Dieu. J'arrête pas d'être serviteur quand je deviens un évêque. Alors, je suis devenu un évêque, maintenant je vais avoir des serviteurs. En dessous de moi, ben non. Tu es un serviteur aussi. On est tous des serviteurs. C'est pour ça que la Bible a employé le mot diacre ou le mot diakonos pour quasiment tous les croyants. On est tous des diakonos du Seigneur Jésus-Christ. On c'est est tous. Pas le mot employé de... Épiscopal? Épiscopal? Non, diacre. Diakonos? Translittération. Ah, translittération. Translittération. Le mot translittération, c'est. Tu ne fais pas vraiment une traduction. Si ça fait une traduction, tu dirais c'est une traduction. Mais tu n'as pas fait une traduction. Comme le mot épiscope, on a des, vous avez ça dans le monde catholique, des épiscopes, épiscopal, ça vient du mot grec. C'est des mots qu'on a inventés. Puis dans la Bible, il y a souvent des mots comme ça que les auteurs, ou dans l'époque, on a décidé de qu'il n'y avait pas de mots vraiment dans la culture qui illustrait bien la pensée, donc on a inventé un mot. Comme on a inventé le mot Trinité. Exact. Le mot Trinité, on ne le retrouve pas dans la Bible, on le sait. La vérité est là, mais le mot n'est pas là. Mais les chrétiens, à un moment donné, ont inventé le mot Trinité pour exprimer leur foi. On croit que Dieu, notre Dieu, est un Dieu en trois personnes. Mais maintenant, quand les catholiques ils disent une réunion épiscopale, on entend ça, ça veut dire que c'est une réunion d'évêques. Oui. Mais ce n'est pas évêque comme nous, on l'entend dans nos milieux à nous. Non, pas chrétien, mais c'est des évêques. Mais c'est des gens qui. C'était, mettons, l'évêque du diocèse de Nicolette, oui, l'évêque du diocèse d'Amos, l'évêque du diocèse. C'était des différents évêques. Puis même au début de l'Église, il y avait des réunions épiscopales, parce qu'on les appelait les évêques. Fait qu'on réunissait les évêques d'Antioche, de Rome, de différentes villes, qui étaient des vrais chrétiens, puis ils se réunissaient ensemble, puis ils débattaient des doctrines, des idées, des pensées. Et on a commencé à appeler ça des conciles après ça. OK? Donc, c'est le mot diacre devrait être traduit serviteur. OK? Même quand on parle de Jésus, des fois on appelle serviteur. Parce que le mot diacre, c'est le mot servir, c'est le mot être un serviteur. Les serviteurs aussi, comme les évêques, et là, ils nomment les mêmes attributs ou les mêmes qualificatifs. Honnête, éloigné de la duplicité, donc ça ne doit pas être un homme ou une femme qui a une vie double, une vie de dimanche et une vie de lundi. C'est pas quelqu'un qui a une vie double, c'est quelqu'un qui a une vie chrétienne, c'est pas quelqu'un qui souffre d'un excès du vin ou qui n'est pas adonné au vin, dépendamment de la Bible que vous avez, et qui n'est pas là pour un gain sordide. Donc, il ne cherche pas quelque chose. Il ne veut pas avoir de quoi. Il ne veut pas tirer. Le serviteur, ça ne vient pas tirer quelque chose. Ça vient donner quelque chose, n'est-ce pas? Quand je m'en viens te servir, je t'avais dit, ben là, je vais te servir, mais avant ça, là, je vais te nommer mes conditions. Ben là, ça ne marche plus vraiment, là. OK? Et donc, c'est un serviteur, c'est quelqu'un qui vient t'offrir quelque chose. Donc, quand on rentre dans la maison de Dieu, on vient offrir à Dieu quelque chose. Un service, c'est quelconque. Ça, j'ai déjà dit que dans l'Ancien Testament, tu n'avais même pas le droit d'entrer dans le temple si tu n'avais pas les mains pleines. Tu n'avais pas le droit. Si tu rentrais dans le temple de Dieu, tu devais rentrer avec quelque chose à offrir à Dieu. Non, tu laisses dehors. Et nous, on n'a pas cette pensée-là. On a cette pensée qu'on peut utiliser l'Église ou le temple de Dieu, mais sans offrir, sans donner. On pense comme ça, des fois. Mais c'est pas ça que la pensée biblique de l'Église ou du temple de Dieu. Donc, les diacres doivent être de même. Ça, c'est la même chose. On a vu, c'est les mêmes vérités que les évêques. Et c'est les mêmes vérités qui sont adressées à tous les croyants et croyantes du Nouveau Testament. Donc, si vous ne savez pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne le faites pas, là. Je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là aujourd'hui. Si vous ne savez pas c'est quoi un gain sordide, ben vous devriez vous dire, ben comment ça que je ne le sais pas? Je devrais le savoir, ça s'adresse à tous les croyants. C'est pas juste les diacres qui doivent savoir ça veut dire quoi. C'est tous les serviteurs dans l'Église qui doivent savoir c'est quoi. Mais quel est le rôle du serviteur dans notre contexte de redresser l'Église? Quel est le rôle? Pour l'ancien, on dit, oh, l'ancien, on le comprend. L'ancien, lui, il enseigne, donc il va redresser l'Église. Mais les diacres sont là aussi, là. Avec le même but. Là. Mais est-ce que le diacre ou le serviteur dans l'Église voit qu'il y a un rôle à jouer pour garder l'Église dans la vie? C'est intéressant, hein? C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. C'est le gars, lui, quand on lui dit, là, moi je suis diacre aux toilettes. C'est moi qui lave les toilettes. C'est moi qui lave des deux côtés. Hommes et femmes, je les lave les deux. Habituellement, l'Église ne le voit pas comme celui qui va défendre la foi. Et lui-même ne se voit pas comme celui qui va défendre la foi. Mais pourtant, la Bible dit, si tu es un serviteur de Dieu, tu vas être appelé à défendre la foi. Peu importe ce que tu fais dans l'Église. Que tu sois le pied ou la main ou l'oreille ou l'œil ou la bouche ou le genou ou la jambe, peu importe ce que tu es dans le corps de Christ, tu es appelé à défendre la foi. Tu as le même rôle que l'évêque. Ce qui est si intéressant, ça, c'est que ça met les chrétiens, on a du sang québécois, sur le même plancher des vaches. Il n'y en a pas en haut qui. Moi, je suis là pour défendre la foi, mais d'autres autres en bas, là. Non, c'est tout le monde est sur la même place. Si je ne me vois pas avec cette idée-là, je ne le ferai pas. Je ne le verrai pas. Je ne m'y attacherai pas. Je ne vais pas prier là-dessus non plus parce que je ne me vois pas comme ça. Mais regardez bien le verset 9 qui vient dans le. Pour l'évêque, c'était quoi? Propre à l'enseignement. OK? Mais ici, on va voir le verset 9 qui, selon moi, est un équivalent. Le diacre ou le serviteur dans l'Église doit conserver, doit être capable de défendre, de conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. C'est la même chose que les évêques. Ça veut dire quoi? Si je dois conserver ou que je dois. Est-ce qu'il y a d'autres choses que conserver au début du verset 9 dans vos Bibles? Conserver le mystère de la foi? À vous tout ça? Qu'il garde. Hein? Qu'il garde. Ah, parlez pas en même temps les deux filles. Moi, j'avais qu'il garde. Qu'il garde le mystère. Qu'il reste attaché. Ça sous-entend quoi? C'est qu'il la défense. Avant ça, tu ne peux pas garder ou défendre quelque chose que tu n'as pas. Il faut que tu l'aies. Donc, il faut qu'il y ait une bonne connaissance, une bonne capacité. Il comprend bien c'est quoi la foi. Il sait c'est quoi le mystère de la foi parce qu'il doit le conserver. Je ne peux pas conserver quelque chose que j'ignore, quelque chose que je ne connais pas, quelque chose que je ne suis pas au courant de. Je ne peux pas conserver, mais je dois garder ou conserver ou défendre, si je veux dire ça comme ça, le mystère de la foi. Donc, ça, c'est la job d'un diacre ou d'un serviteur. Oh! Là, c'est plus la job du pasteur seulement. C'est-à-dire que n'importe quel serviteur dans l'Église qui aspire à être un serviteur de l'Église doit, avant de servir, comprendre la foi. Avant de servir, il doit comprendre comme il faut c'est quoi la foi. Parce qu'il doit la conserver, il doit la protéger, il doit la garder, il doit, avec une bonne conscience ou une conscience pure. Ça veut dire quoi? On a vu ça déjà, là? Avez-vous déjà oublié? Ça veut dire quoi, une conscience pure ou une bonne conscience? Garder le mystère, je vais revenir au mot mystère, hein? Garder le mystère de la foi dans une conscience pure. Que ce soit avec ben, de double nature, non? Le mot double est bon. C'est quelqu'un qui vit ce qu'il a dit. Il conserve la foi, mais il la vit aussi. C'est pas juste quelqu'un qui connaît la loi ou la foi, mais il la vit. Don Carson, il disait, ce matin, je disais de lui, il disait, la vérité et l'éthique, c'est deux choses qui sont inséparables. La vérité et l'éthique, ça veut dire la mise en pratique de la vérité, c'est des choses inséparables. Tu ne peux pas avoir un sans l'autre. Et des fois, on se contente d'avoir juste un puis pas l'autre. Il faut avoir les deux. C'est ce que Carson disait ce matin. Puis il finissait sa phrase, si vous pensez, si vous n'avez pas les deux, vous faites juste du blablabla. Ça ne marche pas. C'est inconséquent. C'est ce qu'on dit, c'est de la duplicité. C'est pas quelque chose de vrai. C'est vrai comme quelqu'un qui va vous dire qu'il a à cœur les pauvres dans le monde, mettons, mais il donne jamais une scène, puis il fait jamais rien pour eux autres. C'est pas vrai. Une belle parole que tu dis, ça paraît bien, hein, mais c'est pas une réalité. Parce que si vraiment t'as à cœur les pauvres, tu vas faire de quoi? C'est normal. Parce que la vérité et l'éthique, c'est inséparable. Parce que chacun de nous, on vit ce qu'on croit. Chacun de nous, on vit ce qu'on croit. C'est un principe de base de la vie humaine. On vit ce qu'on croit. C'est pour ça que la Bible a dit autrement dans le Proverbe, l'homme est ce qu'il pense. Si tu penses des choses, c'est comme ça que tu vas agir. Si tu crois certaines choses, c'est comme ça que tu vas agir. Souvent, j'ai dit à des inconvertis quand je témoignais, si tu crois qu'il y a une bombe dans la maison ici, tu vas faire quoi? Sortir. Moi qui te le dis, je vais sortir en premier, tu me bombe dans la maison. Mais si toi tu dis « Ouais, ouais, oui, François, je te crois! » Puis tu restes assis là, je vais dire « Il est suicidaire ou il ne me croit pas. » Ça, je vais dire « Il est suicidaire, mais non, il ne me croit pas. » Il dit qu'il me croit, mais il ne me croit pas parce qu'il n'y a pas l'éthique qui va avec, il n'y a pas l'action qui va avec. Donc c'est ça qui est important. C'est ça que le mot « bonne conscience » veut dire, ou une conscience pure. Parce que ma conscience va me troubler si j'ai une connaissance de la vérité puis je n'ai pas une vie qui manifeste cette vérité-là, ma conscience va être troublée, va m'affecter parce que je vis une vie de duplicité. Il dit, donc, là, on arrive au verset 10, ce qui est assez intéressant. Là, on parle des serviteurs dans l'Église. On va dire aussi servantes, hein? Oui, les serviteurs et les servantes. Hein? Il dit, on doit les éprouver d'abord. Ça veut dire quoi, ça? Éprouver d'abord, puis dans quel domaine? Qui éprouve? Puis dans quel domaine qui est éprouvé? Puis comment est-ce qu'on fait pour les éprouver? C'est des bonnes questions, hein? Qu'on les éprouve d'abord. Avant que quelqu'un puisse servir dans l'Église, on doit d'abord l'éprouver. Y a-t-il dans d'autres mots que le mot éprouver dans la Bible? Qu'on les éprouve d'abord, verset 10. J'ai mis à l'épreuve. Mise à l'épreuve, ce qui veut dire quoi, c'est mise à l'épreuve? Tester. Hein? On le teste. C'est comme un examen. Tu veux savoir si ton élève a bien compris ce que tu as enseigné en tant que prof, tu fais un petit test, puis là, il a 10 questions à répondre, puis s'il arrive à 0 sur 10, tu dis, je change de job, ou non, lui, il n'est pas à bonne place, ce petit élève-là. Tu sais? Change de job. Puis si toute la classe a 0 sur 10, c'est toi qui n'es pas correct, change de job. C'est mis à l'épreuve au niveau de ses connaissances ou au niveau de son éthique de la connaissance? Là. C'est inséparable. Oui, mais. Parce que tu peux poser des questions là, concernant la foi, puis toutes les réponses sont celles du professeur. Mais si tu n'as pas l'éthique, tu n'as pas compris le professeur. Ouais, fait que la mise à l'épreuve, c'est juste à répéter ce que le professeur dit. Donc, il y a un temps qu'on les éprouve d'abord. Donc, il y a un temps d'apprentissage. Tu n'as pas le choix. C'est sûr qu'on avait dit des évêques, il ne faut pas qu'ils soient un jeune chrétien. Là. Laissez-y du temps. Il faut qu'ils se développent. Il faut qu'ils connaissent ce qu'il veut protéger. Il faut qu'ils connaissent ce qu'il veut garder. Il faut qu'ils connaissent ce qu'il veut enseigner. Donnez-y du temps. Il ne faut pas qu'ils soient un jeune converti. Donc, laissez-y du temps. Là. S'il y a un jeune qui aspire, il fait 6 mois qu'il est sauvé, puis il dit, moi, j'aspire à être l'évêque ici dans l'Église. Je dis, garde ton aspiration, continue. C'est une excellente job que tu veux. Mais on va laisser passer du temps. On va te donner le cours à mettre son disciple avant. On va faire quelques petits cours avant pour que tu puisses savoir qu'est-ce que tu veux défendre. Parce que là, tu as plein de zèle, puis c'est beau, le zèle, c'est beau. Mais faut la connaissance. Mais ici, on fait la même chose avec les diacres. Donc, le diacre va avoir un temps de mise à l'épreuve. C'est qui va le mettre à l'épreuve? Examiner, oui, c'est un examen, c'est la même affaire. Donc, examiner, tester, mise à l'épreuve, c'est toutes les mêmes choses. Moi, c'est éprouver, c'est la même chose. Donc, quand on les éprouve d'abord, on devrait leur faire passer un examen avant qu'ils servent. C'est plus de les regarder. Mais pendant qu'on les éprouve, on fait quoi? En tant qu'Église? C'est-tu l'Église qui éprouve? C'est-tu Timothée qui éprouve? C'est-tu le conseil de l'Église qui éprouve? C'est qui éprouve? Les serviteurs. C'est juste les autres serviteurs. Pas le choix. C'est juste les autres serviteurs. Les autres, ils savent c'est quoi servir parce qu'ils servent déjà. Mais François, dans une grande Église, ça peut-tu être les anciens? S'il y a des anciens ou... ceux qui font partie d'un comité spécial? Oui, on pourrait, là, s'entendre dans ce qu'on appelle la méthodologie, comment on va, qui et comment. Mais si la personne, il faut que la personne qui éprouve sache c'est quoi maintenant qu'on veut accomplir. Tu veux servir Dieu, il faut que la personne qui éprouve, qui teste, sache c'est quoi servir Dieu dans la maison de Dieu. Si tu ne sais pas c'est quoi servir Dieu dans la maison de Dieu, tu ne peux pas tester les autres. Là. C'est automatique. Hein. Donc, pendant que cette période d'épreuve-là, d'examen-là, c'est la job de l'Église de le préparer à servir. L'Église n'est pas indifférente de dire on va attendre qu'il soit correct, qu'il soit prêt. On va attendre qu'il soit prêt. Non, c'est l'Église qui va le préparer au service. C'est la job de l'Église. C'est pour ça que Jésus a dit, baptisez-les, enseignez, et enseignez-leur tout ce que je vous ai, moi, enseigné. Donc, quand quelqu'un veut servir dans l'Église, je dois voir s'il conserve la foi, le mystère de la foi. Je dois voir ça, connais-tu la foi ou pas? Est-ce qu'il y a une bonne connaissance de la foi? Et est-ce qu'il y a une vie qui est conforme à cette foi-là? Et si oui, là, il dit, mais là, au service, de ce qu'il dit après. Si il est sans reproche, ça veut dire qu'il est parfait, là, qu'il n'y a pas de péché dans sa vie, c'est pas ça que ça veut dire. S'il est sans reproche en ce qui concerne la foi et l'éthique, ou la mise en pratique, ou la bonne conscience, bien là, tu peux le laisser, parce qu'il aspire. Tu le retiens, là, pour servir. Tu dis, non, je sais que tu veux servir, mais attends, là, tu veux servir, je le sais, mais tu n'es pas encore prêt. On va t'aider à te préparer, et quand tu vas être prêt, on va te lâcher les cordeaux, puis tu vas pouvoir servir. C'est ça que ça dit dans le texte ici. C'est pas que ça qu'on est habitué de voir. Mais c'est ça que le texte dit. Mais si on n'a pas l'aspiration de servir dans le temple, le peuple de Dieu, on devient indifférent à ces choses-là, ça ne nous préoccupe pas, ça ne nous intéresse pas, on ne plie pas là-dessus. On n'aspire pas, donc. Moi, j'aspire pas d'être un informaticien, donc je prends aucun cours sur l'informatique. J'aspire pas d'être un prof de chinois, donc je ne prends pas de cours en chinois non plus, en langue chinoise. Donc. Quand j'aspire pas à quelque chose, je ne me prépare pas. Ce que je pense, c'est ce que je fais. Si je pense pas à faire ça, je ne le fais pas. Et si je pense... Je vous ai parlé il y a X mois maintenant, peut-être, quelques mois, d'aller de progrès en progrès. Je vous avais dit, si vous ne planifiez pas votre progrès, vous n'en ferez pas. Si vous ne planifiez pas votre progrès, vous n'en ferez pas. En avez-vous fait? Vous êtes-vous examiné? Avez-vous regardé? Est-ce que j'ai fait du progrès depuis 3-4 mois? Ou alors je suis encore en même place que d'habitude? Ils sont planifiés. Si vous planifiez un voyage, nous deux sont passés en voyage, ils l'ont planifié combien de temps en avant? Ils vont 6 mois, 1 an, quasiment avant? Hein, quasiment. Donc, si tu ne planifies pas un voyage, qu'est-ce qui va arriver? T'en feras pas de voyage, ça vient de cette année-là. T'en feras pas parce que tu ne le planifies pas. Est-ce qu'on planifie notre progrès? Et si j'aspire à être un serviteur, si je veux servir dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, le peuple de Dieu, et que je ne fais rien pour y arriver, c'est encore un mensonge. Je dis, mais je ne fais rien pour y arriver. Donc, c'est encore une marche. C'est ce qu'on appelle une conscience qui n'est pas pure, qui n'est pas propre. Parce que je dis, mais je ne fais absolument rien pour le faire. Bien, François, une pensée, c'est que quand Dieu nous ajoute dans le corps de Christ, par nature, on va aider le peuple, le corps. Tu sais, on ne sera peut-être pas officiellement à nos yeux un serviteur. Il n'y a rien d'officiel ici. Là. Non, c'est ça. Mais tu vas parler avec quelqu'un, tu vois que sa théologie est faussée. Tu vas le faire selon ce que tu connais. Là, ça se fait comme naturellement. Tu n'aspires pas nécessairement, mais ça va aller de soi. Là, tu ne laisseras pas ton frère ou ta soeur vers une fausseté. Et là, c'est comme une petite coche au-dessus. Là, on dirait ça. Là. Mais ça, c'est que l'Église, par principe de garder la vérité, par principe de garder la foi pure, elle va vérifier que ceux qui servent dans la maison de Dieu ont une foi pure. Puis s'ils n'ont pas une foi pure, tu ne les laisses pas servir. Tu ne les laisses pas servir. Tu ne les laisses pas servir. Parce que tu vas propager une foi impure. Tu vas propager quelqu'un qui dit croire, mais qui ne fait rien. Donc, tu vas laisser propager ça. Donc, tu l'empêches de propager ça. Si tu es un croyant, si tu veux faire de quoi? Bien, il faut que tu sois un croyant, il faut que tu comprennes la Bible ou l'Évangile et que tu dises maintenant, ma vie est en accord avec ça et je veux servir Dieu. Mais si l'Église voit que tu n'es pas là, tu vas dire, mais tu es encore en période de formation, mon ami. On va t'aider à te former, on va t'aider à comprendre les Écritures. Prends ton temps. Tu as du temps pour servir dans la maison de Dieu. Prends ton temps. On va t'aider à ce que tu aies une foi qui est compréhensible, que tu comprends. Calvin, quand les gens faisaient profession de foi, il les engageait pendant 1 an, à 1 heure par jour, d'enseignement du catéchisme qui était là. Parce qu'à la fin, on va savoir si tu crois ou tu ne crois pas. C'est comme ça qu'il faisait ça de sa job, lui, dans le temps, quand même. Il avait l'habitude d'aller à la messe à tous les jours, mais maintenant, ça allait venir au cachet à tous les jours. Puis on va vous former pour être certain que, quand vous allez servir dans l'Église, vous n'allez pas dire des conneries. Et vous allez, ce que vous allez dire, vous allez le vivre aussi. Le standard est élevé. Pourquoi? Pourquoi le standard est élevé? Bien, tu veux te présenter dans la présence de Dieu et servir Dieu. Il est normal que le standard soit élevé. Tu veux servir Dieu. Tu ne vas pas juste t'impliquer dans un organisme à but non lucratif, à but très vite. Ça, tu n'as plus qui peut faire ça. Mais si toi-même, tu dis, moi, je veux servir Dieu, je me dis, waouh, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de grand, quelque chose d'excellent, je veux servir Dieu. Donc, je veux avoir une bonne connaissance de la personne que je veux servir, qui est la personne de Dieu, et je veux que ma vie soit en accord avec ça. C'est pas quelque chose d'effrayant, c'est juste quelque chose de normal. C'est juste quelque chose de normal. C'est ce qu'on fait dans nos vies aussi, dans tous les autres domaines de nos vies, c'est ça qu'on fait. Quand on veut faire, je regardais cette semaine, Carole, je pense, qu'elle a mis sur Facebook, question du jardin, là. Si tu veux faire de quoi, là, ben mets ton nom, là, puis pose tes questions, tu sais, dans le jardin, là, le groupe de jardin. T'es pas dans un groupe là, qui fait des jardins, ça? Bon, mais ça a passé sur Facebook cette semaine, j'ai mis ça sur mon mur. Tu partages quelque chose. Tu as partagé quelque chose, puis tu dis, ben là, on peut t'aider, là, nous autres, là. Viens ici, là, on pose tes questions. Ben, on va le faire dans nos vies de tous les jours. On a un intérêt, mettons le jardinage, qu'est-ce qu'on fait? On s'implique, on fait ci, on prend des cours, on fait ci. C'est ce qu'on fait normalement, parce qu'on veut faire du jardinage. C'est normal. Ça devrait être la même chose pour l'Église. Je veux servir dans l'Église. Donc, je vais m'organiser dans des clubs, des cours, des cours, faire toutes sortes d'affaires, parce que je veux servir dans l'Église. C'est normal, c'est ce qu'on fait en général, partout. Mais dans l'Église, on était malheureusement, pendant des années, on était habitué à dire, je m'assieds dans l'Église le dimanche matin, je m'en vais chez nous, c'est fini. C'est ce qu'on a appris. On a vécu ça. Je vous disais, d'ailleurs, c'est dur de changer les vieilles habitudes. C'est bien dur de changer les vieilles habitudes. On dit qu'on est des serviteurs de Dieu, mais ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Ça s'implique pas. On dirait qu'il manque de quoi à ce qu'on dit. Et il dit que chaque personne qui veut être serviteur doit prendre un temps. On doit prendre un temps en tant qu'Église pour l'éprouver. Et ensuite ça, quand il est prêt, on le laisse servir. C'est pas qu'on va le faire servir. C'est pas qu'on va le traumatiser en lui disant qu'il doit servir. Ben non. Il désire servir. Il aspire servir. C'est une grosse différence entre les deux. Hein? Je veux pas casser la tête à tout le monde et dire « Hey, vous devriez vouloir être évêque. Vous devriez vouloir être évêque. Vous devriez vouloir être évêque. Vous devriez vouloir... » Ben non! Pas besoin de faire ça. Les gens aspirent à... Ils veulent le faire. Je me souviens d'avoir été voir M. Comois depuis ma vie chrétienne. Je dis, M. Comois, moi, là, je veux être dans le ministère à plein temps. Il me met la main sur la tête. Prends ton temps, mon petit gars. Prends ton temps, mon petit gars. Je voulais. C'est pas qu'il m'a obligé. Personne ne m'a forcé. Je voulais faire de quoi? Et ça, ça devait faire partie de toute aspiration de tout chrétien. J'aspire à servir mon Dieu. Là, c'est pas dans le sens, c'est pas dans le monde ici qu'on parle. Parce qu'on dit bien quoi? La maison de Dieu. Et je vais servir le peuple de Dieu. Puis tout ça, là, ça sert à garder l'appui et la colonne de la vérité. Si je mets en place des diacres ou des serviteurs qui ne sont pas capables de conserver la foi et qui n'ont pas une conscience pure, je vais entraîner l'Église loin de la vérité. Je suis en train de prêcher une vérité le dimanche matin, mais ceux qui servent dans l'Église ne le font pas. Je me souviens une fois, j'avais parlé avec un pasteur, puis il parlait de ceux qui voulaient devenir membres. Puis là, il avait mis des critères. T'sais, il disait, un membre c'est ci, puis un membre c'est ça, puis un membre c'est ci, puis un membre c'est ça. Puis je suis allé voir après la réunion, je me dis, même ceux qui sont déjà membres ne font pas ça. Pourquoi tu demandes aux nouveaux membres de faire ça? Quand ceux qui sont dans l'Église, qui sont membres, ne font même pas. Donc on a deux standards ici, là. On a deux mesures. Ça marche pas, là. Je ne peux pas dire, on prêche ça. Mais ceux qui servent ne font pas. Donc, ça sert comme briser le moule, ça sert comme briser la colonne de la vie de la vérité. Et les gens qui disaient, « Oh oui, vous avez déjà entendu ça, c'est un chrétien du dimanche, vous avez déjà entendu des affaires dans la même main. » Il dit des choses, là, mais on ne voit pas vivre. C'est ça qu'on avait vu quoi pour les évêques. Ils doivent avoir un bon témoignage, autant dans l'Église qu'en dehors de l'Église. Donc, c'est ce qu'il disait quand on a vu les évêques. Il doit recevoir un bon témoignage des gens du dehors. Donc, les gens du dehors vont voir vivre quelqu'un. C'est-tu en accord avec ce qu'il dit? C'est-tu en accord avec ce qu'il fait? Et si ce n'est pas en accord avec ce qu'il... Attention, je ne suis pas en train de dire, puis je vous encourage à ne pas présenter les chrétiens comme des gens sans péché. Là. Si vous essayez de présenter ça, ils vont vous baisser vos culottes, ce ne sera pas long. Ils vont vous trouver dans le péché, ce ne sera pas long. Parce que si vous dites que les chrétiens, ça ne va pas pécher. Des fois, on ne le dit pas. Mais la façon qu'on pense, qu'on parle, on a l'impression que les chrétiens, les autres, ils n'en font pas. Ils en font moins, tu crois? Ils en font moins. Puis les inconvertis nous regardent et on fait les mêmes péchés qu'eux autres, en partie. Mais ce n'est pas ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas quelqu'un qui ne fait pas de péché. C'est comment il agit envers le péché. Il sait que la solution au péché, c'est la justification par la foi. Il sait que le péché, c'est quelque chose qui est mal, qui est mauvais aux yeux de Dieu, qui est déshonorant Dieu. Il sait ça. Puis il va le dire. Donc, il ne va pas essayer de justifier son péché. Il va juste dire, c'est vrai, j'ai péché, c'est ça que Dieu dit, c'est péché. Tu as bien raison de me dire que c'est mal ce que j'ai fait, parce que c'est ça que Dieu dit, que c'est mal aussi. Donc, c'est pas quelqu'un qui a des... Ce que nous autres, on appellerait des hauts standards, qu'on appellerait là, moralement dans la société. C'est quasiment un saint, ça. On va dire ça des fois. Ah, quand j'étais catholique, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression « les plus grands saints pêchent sept fois par jour. » Ça veut dire, même les plus grands saints pêchent, donc. Ça, c'est une parole en l'air. Et là, au verset 11, il dit « les femmes de même ». Il y a-t-il qui ont d'autres choses que les femmes de même? Voilà. Donc ça, c'est les deux traductions, vous allez les retrouver un peu partout. Il y en a qui pensent que le texte, s'il parle des femmes des diacres, leurs femmes des diacres, aux autres aussi, ils doivent être honnêtes, non médisantes, sobres et fidèles en toutes choses. Donc la femme des diacres doit être de même. Puis ça devrait être normal aussi, parce que c'est une chrétienne, donc elle doit avoir les mêmes critères que tous les autres. Si c'est la femme de Joe Blow, ou la femme de l'évêque, ou la femme du diacre, c'est toutes des serviteurs, donc la femme devrait toutes être de même. C'est normal, toutes les femmes chrétiennes devraient être de même. Ben, à deux endroits, il y a diaconesse ou femme diacre. Et il y a l'autre traduction, c'est les femmes diacres ou les diaconesses. Il y a juste une place dans la Bible qu'on parle d'une diaconesse, dans Romains. Donc c'était phobé. Diaconesse de chancré, ou de sang chancré, ou sang, comment est-ce qu'on le prononce. Mais, si on prend le mot serviteur au lieu du mot diacre, ça règle le problème. Tous les femmes et tous les hommes sont serviteurs. Il n'y a pas juste les hommes qui sont serviteurs. Tout le monde est serviteur, hommes et femmes. Donc, ça règle le problème si on dit que c'est deux des serviteurs dans l'Église. Donc, que tu sois un homme ou une femme, t'aspires à servir ton Dieu dans son temps, dans son peuple, t'aspires à ça, donc que tu sois homme ou femme, ça va être la même chose. Donc au verset 12, les serviteurs doivent être mari d'une seule femme, comme on a vu pour les évêques, comme on voit pour tous les hommes, toutes les femmes doivent être mari d'une... La femme doit être femme d'un seul homme, ou l'homme doit être mari d'une seule femme, c'est normal. Et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. On avait vu ça des évêques aussi, hein? Ils doivent bien diriger leur maison, bien diriger. Parce que s'ils veulent diriger dans l'Église, ben, ils ne pourront pas le faire, ils ne sont pas capables de diriger leur propre maison. C'est normal. Quand on dit digne, François, c'est quoi? Je devrais le savoir, mais c'est quoi qu'il veut dire par digne? La femme doit être digne. C'est quoi le. En toute chose? Moi, j'ai juste. Les femmes, pareillement, doivent être dignes. Mais disant ça, je le sais, qu'est-ce que ça veut dire? Mais digne... Nous, on sait que tu le sais. Mais digne, là, ça serait quel sens? Là, dans ma Bible, moi, j'ai le mot fidèle. Honnête. Honnête. Ah, OK, vous avez ça. Non, toi, c'est honnête, c'est autre chose. Oui, moi, j'ai fidèle, j'ai sobre, fidèle en toutes choses, mais ça commence par digne. Ah, nous, ça finit par digne. Par digne. Fidèle en toutes choses. Ben moi, j'ai honnête. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles. Ça, c'est la même chose que moi. Okay. Donc, le ton digne, ce serait honnête. Non. Le mot digne, là, c'est le mot fidèle qu'il y a dans le grec. Okay? Peu importe ce que tu mets dans la phrase. Là. Ben, ça veut dire qu'il serait deux fois dans la même phrase, parce que j'ai fidèle aussi. Ah, tu as le mot fidèle les deux fois. Moi, j'ai les femmes, par les mains, doivent être dignes, point médisantes, sobres, fidèles. OK. Ok, donc si tu mets deux fois. C'est quoi comme le sens à dire? C'est le mot honnête qu'il y a là. Honnête. Le mot honnête, là, ça, je vous dis, je vous l'ai déjà dit, là, dans nos études de Timothée, le mot honnête n'a pas la connotation. C'est une personne honnête dans toutes ses transactions. C'est être honnête envers Dieu. C'est honnête envers Dieu. Donc tu joues pas un rôle avec Dieu, tu joues pas une apparence avec Dieu. Donc, le mot honnête, si vous faites l'ensemble de la recherche des deux épîtres à Timothée, ça voit que le mot honnête ne parle pas d'être juste honnête dans nos rapports d'impôts. C'est sûr. On doit être honnête. C'est sûr, entendu, on doit être honnête dans nos rapports d'impôts, c'est sûr. On doit être honnête dans tout ce qu'on fait aussi. Dans le sens juste, là, honnête, dans le sens de juste, là, ça c'est correct. Mais le mot honnête a une connotation plus, c'est honnête envers Dieu. Okay. Respectable, dans notre cas, ça dit respectable, ça serait plutôt boiteux, c'est ça? Oui, je dirais que même si on le mettrait dans tous ces sens-là, c'est, vous pouvez regarder dans l'ensemble du Nouveau Testament qu'est-ce qu'on dit aux chrétiens d'être. On les encourage à être honnête, d'être respectueux, d'être digne. Mais quand, parce que le mot digne implique quelque chose que je dois. Je suis digne de ce job-là, là, ça veut dire que j'ai quelque chose. Le mot digne parle d'une espèce de. Va avec, propre, à. C'est comme ça va avec. Là. Mais ce que le mot digne, c'est que. Parce qu'il est digne de la job, là, ça veut dire quoi? C'est qu'il est à la hauteur de la situation. Mais le mot honnête ici, parce que je vous l'ai déjà dit, là, le meilleur dictionnaire pour un mot, c'est le contexte dans lequel il est écrit. Et je crois ici que le mot honnête. Parce qu'on avait parlé que les diacres doivent être honnêtes, on a parlé que les anciens doivent être honnêtes, que les évêques doivent être honnêtes, donc on dit que les femmes doivent être honnêtes. C'est toujours la même vérité, là. Si vous voulez le mettre honnête, dans le sens qui est juste dans ses transactions, c'est correct, ça me dérange pas. C'est une belle vertu. Si vous marquez digne, ben c'est correct, tu dois être digne de la foi que tu proclames ou du service que tu veux faire, tu dois être digne de cela. Qu'est-ce qui te rend digne? C'est que tu conserves la foi dans une conscience pure. C'est dans ce... oh, j'avais dit que je reviendrais sur le mot mystère tout à l'heure. Je vais y revenir. Ça se voit-tu ici, là? Ben, en fouillant un peu, c'est qu'il y a les qualités, le caractère qui convient à une fonction ou à un état. Mmh. Fait que ça va bien. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est, je dirais que c'est le mot honnête là, qui est là. OK? Ah, moi, peux-tu le relire, s'il vous plaît? Moi, c'est pour le mot digne. Là, hein? Oui, c'est ça, mais c'est le mot honnête dans le même exactement. Okay. Qui a les qualités, le caractère convenable à une fonction ou à un état honorable. De ce, donc, tu es honnête avec la fonction que tu veux faire. Tu es un serviteur, tu dois être digne. Ta vie doit être le reflet de ce que tu veux faire. Donc, c'est normal aussi. Là. C'est ça. Moi, je dis que la vie chrétienne ou la vie ou les Nouveaux Testaments ou la Bible, c'est pas quelque chose de compliqué. Ça a été écrit pour des gens ordinaires comme vous et moi. La Bible, c'est écrit pour des gens ordinaires. Les premières personnes qui ont reçu la Bible, là, c'était pas tous des gars qui avaient des PhD. Là. C'était pas tous des gars qui avaient fait l'université. Là. C'était des gens, des cultivateurs, des gens du peuple ordinaire. Paul prend même le temps de dire qu'il n'y a pas beaucoup de sœurs, pas beaucoup d'instruits parmi vous. Vous êtes des gens du peuple, vous êtes des gens ordinaires. Donc, c'est écrit pour eux autres, là. C'était pas si compliqué que ça, là. C'est que nous autres, des fois, il nous manque d'informations géographiques ou culturelles. C'est ça qui nous manque. On a de la misère à comprendre. Mais souvenez bien, le serviteur ou l'évêque que tu mets dans l'Église pour redresser l'Église, s'il est croche, il ne va pas redresser l'Église. Et puis quand tu vois là, si tu mets des serviteurs qui conservent le mystère de la foi, tous les serviteurs, hommes ou femmes, dans l'Église, qui conservent le mystère de la foi et qui ont une conscience pure, juste avec le temps, tu vas redresser l'Église. Donc c'est ça, ça va juste redresser l'Église. C'est pas un sermon du dimanche matin qui redresse l'Église. Je vous garantis ça après 45 ans que j'enseigne. C'est pas ça qui redresse l'Église. C'est que tranquillement, tu enlignes la foi que tu as avec la vie que tu fais et ça redresse l'Église. Ça remet l'Église à la bonne place. C'est pour ça que Jésus fait le reproche à la même Église d'Éphèse 30 ans plus tard. Ta doctrine n'est pas incorrecte, mais tu n'aimes plus. Voyez-vous, voulez-vous la différence? Ta doctrine est correcte, mais tu ne m'aimes pas. Ta conscience n'est pas pure, tu ne m'aimes pas. Donc, si tu n'as pas les deux, Jésus ne se plaît pas à la théologie. Jésus ne se plaît pas à des gens qui peuvent réciter des livres par cœur ou de la théologie par cœur. Il ne se plaît pas à ça. On a toutes des petites phrases qu'on connaît et qu'on dit partout. Puis tout ça. Jésus, ça ne l'impressionne pas du tout. Tu peux impressionner les gens autour de toi, mais tu n'impressionnes pas Jésus. Dis-moi, je veux voir ta vie aussi en même temps. Si ta vie va de pair avec ce que tu dis, Et là, ça marche. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il en parle. Là, il dit, les diacres doivent être mariés d'une seule femme, on l'a vu, bien diriger leurs enfants, et leur propre... Bien diriger, là, ça veut dire diriger dans la foi. Ça ne veut pas dire que tu leur fais faire leur lit tous les matins, ça ne veut pas dire que c'est eux qui font la pelouse, ça ne veut pas dire qu'ils commencent à travailler à 13 ans, non, un plus loin, c'est à 14 ans. Non, c'est pas ça que ça veut dire, bien diriger sa maison. Ils peuvent être tous bien corrects, tes enfants, là, ils ont une belle petite vie rangée, là. C'est pas ça que ça veut dire. Tu les diriges, tu élèves tes enfants dans la foi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont croyants, mais toi, tu es un croyant et tu élèves tes enfants dans la foi. Toi, tu es logique avec toi-même. Tu ne peux pas avoir deux standards. Donc, tu vas dire, je vais avoir une vie païenne parce que mes enfants sont païens. Mais non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas avoir un problème dans cette direction-là. Donc, je vais vivre une vie chrétienne au milieu de mes enfants. Je vais leur dire à mes enfants, s'ils vont à l'école, puis ils reviennent avec des idées qui sont transgenres, je vais leur dire, c'est pas ça que Dieu a fait. C'est pas ça que Dieu a fait. Pas comme ça que Dieu a créé les gens. Je vais leur dire la vérité. Je vais les diriger comme il faut. C'est ça que ça veut dire, diriger sa maison ici. Là. Parce qu'on est toujours dans le contexte qu'on veut redresser l'Église qui est en train de s'éloigner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On redresse nos enfants aussi un petit peu, puis on se redresse, on s'en va. Oh. Et c'est tous ces petits efforts-là à travers le temps qui redressent l'Église et qui gardent l'Église dans la vérité. C'est comme ça. C'est pour ça que si une Église s'est éloignée de la foi, si tu engages en quelqu'un pour t'enseigner qui est aussi éloigné que toi, ben, ça ne va pas te ramener, là. C'est sûr, ça ne va pas te ramener. Parce qu'il est dans le fossé avec toi. Ça ne marchera pas. Ce qu'on va voir tout à l'heure, la semaine prochaine, le chapitre 4, il va venir des temps que l'Église va se nommer des gens pour se faire enseigner les choses qu'ils veulent entendre. Les choses qui leur font plaisir. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Ils veulent juste se faire dire ce qu'ils aiment à entendre. Quand l'Église est rendue là, elle est rendue là, je me patate. C'est sûr. OK? Quand on m'a demandé dernièrement si je voulais aller enseigner ailleurs, j'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, je vais enseigner ce que le texte dit. Je vais enseigner ce que le texte dit. Je ne vais pas changer parce que je change de bâtiment. Si vous n'êtes pas d'accord, bien, vous me le direz. Mais je vais enseigner ce que le texte dit. Parce qu'on va garder la colonne et l'appui de la vérité. Parce que, savez-vous, c'est ça, c'est tant qu'on a perdu ça, il n'y a plus personne qui peut être sauvé. Si on ne prêche pas la vérité, il n'y a plus personne qui peut être sauvé. Parce que c'est la vérité qui sauve. Si l'Église n'est plus la colonne et la plus de vérité, comment est-ce qu'on peut espérer que les gens vont être sauvés? C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que c'est si important pour l'Église de garder la vérité ou de garder la colonne et la plus de vérité, parce qu'on sait que c'est seulement ça qui sauve les gens, qui peut être utilisé par l'Esprit de Dieu pour sauver les personnes. Fait que si on prêche un autre évangile, ils vont faire des professions de foi, ils vont devenir des baptistes, ils vont devenir des pentecôtistes, ils vont devenir des ménonites, ou n'importe quoi. Ils ne deviendront pas des enfants de Dieu. Parce qu'on devient enfant de Dieu seulement si on entend la parole de Dieu. Et c'est normal comme ça. Et là, regardez bien le verset 13. Car ceux qui remplissent ce qu'on veut, ceux-là, c'est qui? Les diacres ou les serviteurs. On va mettre le mot serviteur. OK? Car les serviteurs qui remplissent convenablement leur ministère, parce qu'on les a éprouvés avant, puis on les a testés ou examinés, puis ils ont une conscience pure, donc on leur confie un travail, un service dans l'Église. Ceux qui remplissent convenablement leur service, on va enlever le mot ministère, puis ça paraît trop important, on va enlever, qui remplissent bien leur service, s'acquièrent un rang honorable. Comme les évêques. Les évêques, on doit leur donner une double honneur. Hein? On va en parler quand on va arriver un peu plus loin. Mais les diacres sont dignes d'une simple honneur. Les diacres, les évêques d'une double honneur. On va essayer de comprendre ça veut dire quoi. Mais les diacres, si un diacre fait bien son service et qu'il garde le mystère de la foi et dans une conscience pure, il va avoir un rang honorable dans l'Église. On va respecter cette personne-là. On va y faire des honneurs. Parce que c'est un homme, une femme qui vit, qui connaît les Écritures et qui vit les Écritures. Quand tu fais ça les deux ensemble, tu as le respect des gens. Tu as le respect des gens. Puis, remarquez qu'il va dire aussi, il s'acquiert, pas juste un rang honorable, mais il s'acquiert une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi, ça? Il s'acquiert une grande assurance. Il va être sûr d'être sauvé. Ah, voilà! C'est comme ça qu'on est sûr d'être sauvé. C'est ça que ça veut dire? Donc, si tu vas avoir l'assurance de son salut, serre dans l'Église. C'est ça que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Tu qui ont d'autres traductions à la fin du verset 13? Une grande assurance dans la foi. Ça acquiert un rang honorable, tu dis ça? Et la deuxième chose? Ainsi qu'une grande assurance fondée sur la foi qui est dans le Christ Jésus. OK. Grande, tu as pas la même chose que nous autres. Y a-tu donc d'autres choses? La même affaire. Une grande liberté dans la foi. Une grande liberté dans la foi, j'aime ça. Le texte, il semble vouloir dire, à ce que faites mes recherches, il va avoir une grande assurance quand il parle de la foi. Okay. Quand il partage la foi avec les gens. Il va avoir de l'assurance, il va avoir une grande liberté de parler. Parce que quand tu as une bonne connaissance du mystère de la foi, et que tu vis la foi, les gens vont t'écouter quand tu parles. Ils vont t'écouter. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur pour qu'ils t'écoutent. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur pour qu'ils t'écoutent. Ils vont juste voir que tu es quelqu'un qui comprend la foi, puis qui est capable, qui la vit. Tu vas acquérir un rang honorable, parce que les autres serviteurs vont voir qu'il y a un serviteur de plus dans l'Église qui sert le peuple de Dieu. Et donc, il faut juste changer notre idée que c'est pas quelques personnes dans l'Église qu'on appelle pour 3 ans à servir, à faire un ministère, quelque chose dans l'Église. Puis quand les 3 ans sont finis, soit on peut l'enlever de là, ou on peut leur voter pour une autre 3 ans. Mais c'est pas ça le texte est en train de parler. Il est en train de parler, si tu veux que l'Église reste dans le droit chemin, là il a parlé des évêques, si tu veux que l'Église reste dans la vérité, tu dois avoir des gens à l'intérieur de l'Église, les serviteurs, qui vont connaître la foi et vivre la foi. C'est ça qui garde l'Église dans la vérité. C'est ça. Donc, ton rôle à toi est aussi important que celui qui enseigne. Tu as la même responsabilité. Tu as la même responsabilité. D'avoir une bonne connaissance de la foi et d'avoir une vie qui est conforme à ça. Et automatiquement, tu vas avoir un rang honorable. Ça veut dire ça que, moi, je dis qu'il ne faut pas s'enfler la tête avec ça. Il faut faire attention. Mais tu vas avoir Tu vas être bien vu, je vais dire ça comme ça, tu vas être respecté dans l'Église. Tout simplement. Et c'est quoi que c'est? Et tu vas avoir de l'assurance quand tu parles. Hein? Quand tu ne le fais pas toi-même, tu n'as pas grande assurance quand tu parles. Tu sais, quand tu vas dire à des gens, « Ah, Dieu est tellement bon, il donne de la joie tout le temps. » Tu vas avoir de la misère à le dire, si tu pleures pendant que tu le dis, non? Tu vas avoir de la misère à dire si tu viens de te divorcer la semaine d'avant. Hein. Tu vas avoir de la misère. Tu sais, si tu n'as pas une vie qui est conséquente, tu vas manquer d'assurance quand tu parles. Mais si tu parles de la grâce de Dieu, mais là, tu peux dire je vis la grâce de Dieu tous les jours. Je peux te dire que Dieu est gracieux. Je goûte la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu tous les jours. Je peux en parler de ça. Parce que je le vis tous les jours. Je sens que Dieu est miséricordieux avec moi à cause que je suis un pécheur. Je peux en parler. Je peux le dire aux gens. J'essaie de leur faire croire que je suis meilleur qu'eux autres d'une façon quelconque. Ils me tirent à 22. Puis je crois que les chrétiens, c'est leur maladie. On veut faire croire aux gens dehors de l'Église qu'on est meilleur qu'eux autres. Puis ils nous tirent à carabine. On n'est pas meilleur que ça. La différence, c'est qu'on connaît la grâce, on connaît la miséricorde de Dieu, on connaît la compassion de Dieu. On connaît que Dieu Comme on va prendre le repas du Seigneur que Dieu nous a justifié à cause de Jésus-Christ. C'est ça qu'ils ont besoin d'entendre. Puis vous remarquerez, je vous ai déjà dit, hein? C'est des statistiques, c'est pas dans la Bible, là. Mais tu sais, je l'ai vu depuis 45 ans. J'ai pas juste des statistiques, j'ai vu ça dans l'Église depuis 45 ans. La majorité des chrétiens se reproduisent dans les trois premières années de leur vie chrétienne. Après ça, qu'est-ce que c'est de zéro? Les trois premières années où ils connaissent le moins de choses, que leur vie est moins en ordre, que tout est un peu encore en équilibre, qu'ils essaient de se replacer, c'est dans ces trois années-là que les chrétiens se reproduisent le plus. Les vieux chrétiens qui ont supposément qu'ils connaissent tout, là, puis qui ont une bonne vie chrétienne, là, puis qui ont une meilleure vie chrétienne que les autres, là, puis qui connaissent mieux, là, ils ne se reproduisent plus. C'est bizarre, hein? J'ai vu ça. Si vous regardez votre propre vie, comment ça fait de temps que vous avez conduit quelqu'un au Seigneur? Ça fait longtemps. Hein? Puis c'est pas un reproche que je fais, c'est une constatation. Donc, on ne fait pas ça pour épater la galerie, parce que ça n'épate pas personne. On fait ça parce qu'on aime notre Dieu. On aime notre Dieu, c'est pour ça qu'on veut le servir. On ne fait pas ça pour épater la galerie, on ne fait pas ça pour épater les inconvertis. Ce que j'entends sur les médias, là, vous savez que je les regarde, les médias, là, j'appelle mon Facebook, YouTube, tout ça. Puis ce que je regarde en majorité du temps, pas tout le temps, mais en majorité du temps, c'est ce que les chrétiens disent. Hein. En s'en venant dans le tout à l'heure, Denise a dit, as-tu vu l'annonce, toi? As-tu vu l'annonce d'un soulier qui guérit tout le monde? Un soulier qui guérit tout le monde. C'est absurde, là. C'est vrai que c'est absurde. Mais des fois, il y a des chrétiens qui disent des choses, c'est complètement absurde. Ça n'a pas rapport avec la Bible. Ça n'a pas rapport avec la Bible. C'est des choses religieuses, morales, spirituelles, mais ça n'a pas rapport avec la Bible. On s'est éloigné. On a perdu de vue la réalité de la vie chrétienne. Et des fois, j'ai envie de dire, « Hey, je pourrais-tu aller vivre chez vous pendant un mois ou deux mois, voir si c'est la réalité, ça, que ce que tu dis là sur Facebook? » Parce que j'ai l'impression que tu veux au paradis, puis moi je suis encore ici, tu as peur. C'est pas la réalité. Essayons pas de donner une image qui n'est pas là. Donnons une image réelle de ce qu'est-ce que c'est l'Église. Hein? On a vécu à Victoriaville depuis 4-5 ans des choses, on a entendu, on a vécu les églises au Québec. C'est là que, des choses là, qui n'étaient pas, on pourrait dire, à l'honneur de l'Église. Puis c'est. J'ai parlé avec quelques chrétiens qui ont honte de dire maintenant qu'ils vont à l'Église à cause de ce qui a été dit, ce qui a été fait. Ils ont honte. Je me souviens quand on a reçu dans les années 80 les chrétiens qui venaient de l'Église de Saint-Pierre à Windsor. Ils se vantaient pas de ça partout. Tu sais, il y avait pas. Hey, je suis un chrétien de Windsor, recevez-moi là! Non. Il y avait une certaine honte, parce qu'on a l'impression que notre job, c'est de donner une image de sainteté, je ne sais pas quoi, d'idéal. Dans l'Église, c'est comme ça, les gens sont heureux, puis ils s'aiment, puis ils font du bien à tout le monde, puis ils sont serviables. Ce n'est pas la réalité. C'est pas la réalité. C'est pas ça qu'on voit en général. Parce que l'Église ne se chicanerait pas, puis se diviserait pas, puis c'est pas la réalité. Mais la réalité, c'est ce qui nous rend aptes, c'est l'Évangile. Et c'est la proclamation de l'Évangile qui fait de nous des gens à part. C'est pas notre vie morale qui fait de nous des gens à part. Un jour, oui. Ah, un jour, d'un nouveau sur le temps. Là, on peut dire qu'on est à part, vraiment. Parce que là, notre vie va être parfaite dans tous les domaines. 114. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Je n'ai jamais trouvé dans la Bible si Paul est allé finalement. Mais il y avait espérance d'y aller. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Conduire, là, est décrit dans évêque et diacre ou serviteur. Tu vas savoir comment te conduire dans la maison de Dieu. Les chrétiens vont savoir, les serviteurs, les servantes vont savoir comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. Le mot Église, c'est le mot peuple. C'est le peuple du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et c'est... Moi, Dieu, en même temps que ça me gonfle un peu, en même temps, ça me fait peur un peu. Ça me gonfle que Dieu nous a laissé cette responsabilité-là, ce travail-là. Puis en même temps, ça me fait peur un peu pour voir si je vais être capable de faire. Mais en même temps, l'important, c'est que les deux s'équilibrent. Je me gonfle, puis ça me pousse à faire de quoi. Puis en même temps, j'ai peur, donc ça me pousse à faire de quoi aussi. Pour pouvoir garder la... Mais est-ce que tu vois, toi, individuellement, quelle est ma part, mon rôle à moi pour que ça arrive? Quel est mon rôle à moi pour que ça arrive? Pour que l'Église soit comme ça, pour que l'Église soit la maison de Dieu, les serviteurs de Dieu, dans l'Église, le peuple de Dieu. Parce que quand vous servez pas seulement des êtres humains, vous servez Dieu. Donc, si vous vous engagez envers Dieu, soyez bien sûr que c'est envers Dieu que vous engagez. Parce que c'est à lui qu'il va falloir que vous parlez, que vous gardez des yeux. C'est avec lui que vous vous engagez. C'est pas avec moi, c'est pas avec le groupe. C'est envers Dieu. Vous rentrez dans sa maison et dites, je viens ici pour te servir. Là, tu ne peux pas juste dire, ben là, j'ai décidé que je te servais plus. Tu ne peux pas faire ça. Il n'y a pas de vacances pour servir Dieu. Ça n'existe pas. Tu peux servir différemment, à différentes époques de ta vie, à différents moments de ta vie, mais tu es toujours au service de Dieu, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, toute ta vie. Ça, c'est la vérité biblique. C'est la vérité. Tu ne te sers pas juste pendant une demi-heure quand tu vas à l'église parce que tu as un petit ministère. Tu sers Dieu 24 heures. Le temple de Dieu, c'est pas à bâtir ici, c'est nous autres. C'est nous autres le temple de Dieu, c'est nous autres le peuple de Dieu, c'est nous autres la colonne et l'appui de la vérité. Donc, chant Dieu. Verset 16, et sans contredit le mystère, là je vais vous dire le mot mystère, là j'en fais deux fois, je le dis, trois fois même. Quand il dit que le diacre conserve le mystère de la foi, qu'est-ce que ça veut dire sur le mystère de la foi? Puis ici, il l'appelle le mystère de la piété. Le mystère de la foi, qui veut dire la même chose pour moi, ou les deux facettes de la même pièce de monnaie, les deux pièces de monnaie. Donc, d'un côté, tu as le mystère de la foi, et de l'autre côté, tu as le mystère de la piété. Donc, d'un côté, tu as l'expression de la foi, et de l'autre côté, tu as la pratique de la foi. Parce que la piété, c'est la pratique. Et la foi, c'est le contenu. Donc, il dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Donc, le mystère, il n'existe plus, le mystère. On l'appelle dans rien, c'est devenu un jargon du Nouveau Testament, mais il n'existe plus parce qu'il y a été révélé. Le mystère de la foi, il a été révélé. Donc, Dieu s'est incarné. C'est ça qu'il dit ici. Dieu manifesté en chair. Donc, Dieu, ça fait partie du mystère. Il n'y a personne dans l'Ancien Testament qui a vu venir ça, là, je vous garantis. Quand David pensait à son successeur, un de ses descendants qui sera un roi éternel, il n'a jamais pensé que le Créateur du ciel et de la terre s'incarnerait dans un homme. Jamais. C'est ça qui a eu le plus de difficultés à faire passer Jésus quand il était sur la terre. Je suis Dieu. C'est moi votre Créateur. C'est moi le Seigneur du monde. C'est moi le Tout-Puissant, c'est moi. Oh, t'es malade dans la tête, t'es un blasphémateur. Puis là, on lui a crié des bêtises. Il n'y a jamais, il y a 99% du peuple juif qui n'a jamais cru. Il n'a jamais cru que Jésus était le Dieu incarné. Il dit, le mystère de la piété est que Dieu, manifesté en chair en Jésus-Christ, justifié par l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit a justifié, a démontré, a prouvé qu'il était Dieu fait chair, OK, par la vie qu'il a faite, par les miracles qu'il a fait, par l'enseignement qu'il a fait. C'est pour ça qu'il a pu dire à Philippe, « Si tu m'as vu, Philippe, t'as vu Dieu. » Si tu m'as vu, tu as vu Dieu. L'Esprit a justifié, a démontré cela, vu des anges, les gens ont contemplé que celui qui était sur la terre, qu'on appelait Jésus, c'était vraiment leur Dieu. Je parlais de ça avec quelqu'un. Là, je fabule. Des fois, je me... C'est, quelle impression les anges ont eu quand ils ont vu Jésus partir? Tu veux dire partir du ciel? Venir s'incarner. Okay. Ils ont dû avoir une drôle d'impression. Tu t'en vas faire là, toi? Pourquoi tu vas là? Les autres aussi, ils ne sont pas omniscients. Ils ne savent pas vraiment toutes choses. Puis ils ont dit, wow! C'est quoi cette affaire-là, là? Mais ils l'ont vu partir. Il était vu des anges. Les anges ont regardé Jésus pendant qu'il était ici-bas. Ça vous a déjà remarqué que dans la vie de Jésus, les anges sont omniprésents presque. Dès sa naissance, et puis jusqu'à sa mort, sa résurrection, les anges sont toujours là. Ils ont vu que leur Dieu, leur Créateur s'était incarné. Et c'est une des grandes vérités de la foi. Dieu s'est incarné pour toi et moi. On ne s'imagine pas l'amour que ça a pris pour faire ça. On ne s'imagine pas l'amour que ça a pris pour faire ça. Et là, il dit, cru dans le monde, donc ça a été cru par plusieurs, plusieurs ont cru ça, d'autres vont le croire, jusqu'à temps qu'ils reviennent, le nombre va augmenter des gens qui croient à cela, et élevé dans la gloire. Et donc, il est reparti, puis d'aller s'asseoir à la droite de Dieu. Ça, c'est... Les non-juifs? OK. Il amène l'idée ici que c'est pour tout le monde. Nous disons, moi, c'est marqué prêcher aux nations, aux gentils. Aux nations, dans aux nations, ça comprend aussi les juifs. C'est prêcher aux nations du monde entier. C'est pas juste aux nations puis pas prêcher aux juifs. Non, il était prêché. Donc, cru dans le monde, élevé dans la loi. Ça, c'est notre chapitre 3 dans l'Épître à Timothée. Les croyants, Paul dit à Timothée, quand les gens vont aspirer à faire de quoi dans l'Église, rappelle-leur qu'il y a des critères. Parce qu'ils servent dans la maison de Dieu. Pas n'importe qui, pas n'importe comment, pas n'importe quand. Vous allez mettre en place les critères. Puis pendant qu'ils ne sont pas là, qu'ils ne sont pas rendus là, formez-les. Emmenez-les là. Prenez le temps de les préparer, de les former, de les instruire, puis dire, on va s'asseoir avec toi, on va te montrer c'est quoi la foi, on va te montrer c'est quoi l'Évangile, on va te comprendre la justification, la sanctification, tu vas comprendre la régénération, tu vas comprendre les textes, je vais t'aider à faire ça, je vais t'enseigner tout ce que tu m'as été enseigné, moi. Des fois, on a fait, comme on a fait avec nos enfants, on dit au gouvernement, formez-les, éduquez-les. Ils doivent les éduquer, ce qu'on appelle ça, leur donner de la formation de mathématiques ou en français. Mais ce n'est pas leur job d'éduquer nos enfants. Le job d'éduquer les enfants, c'est pareil. Donc, c'est, des fois, on a dompé sur les autres notre responsabilité par convoitise du monde pour avoir les choses du monde qu'on veut avoir. On a sacrifié nos enfants à ce soir. Parce qu'on voulait avoir plus. Mais il dit non. Et puis dans l'Église, des fois, on fait la même chose. Ça va être le job du pasteur, ça va être le job d'un autre, mais c'est pas la mienne. C'est pas ma responsabilité à moi. Mais si tu fais partie du corps, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité à toi aussi. Parce que tu fais partie du corps, si c'est le job du corps. C'est de trouver comment je vais le faire, qu'est-ce que je suis équipé pour faire, quelle manière je vais m'y prendre pour le faire. Mais je vais t'encourager en disant, lâche pas tant que tu n'as pas trouvé c'est quoi que Dieu t'a demandé de faire. Lâche pas. Quelle est ma place dans ce temple de Dieu-là? Quelle est ma place? Qu'est-ce que Dieu m'a appelé à faire pour servir? Cherche-le, prie là-dessus. Cherche-le. Je veux servir, j'aspire à servir. Comment je peux le faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, mon Dieu, dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux que je te serve? Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et que Dieu nous aide pour l'honorer lui, pas pour se sentir bien, pas pour se déculpabiliser. Mais le service honore celui que tu sers. Le service honore celui que tu sers. C'est facile de même dans les Écritures. Donc, si je dis que je ne sais pas quoi faire, je ne sers pas Dieu, mais je n'honore pas la personne qui est là, qui est Dieu. Parce qu'un Lévite qui aurait été dans le temple, là, puis qui n'aurait rien, il dit, moi, je ne sais pas quoi faire dans ce temple-là, je ne m'en peux pas me. Il n'aurait pas honoré son Dieu. Et le Lévite partait, il avait sa job, il savait c'était quoi son rôle à jouer. Il y en a qui chantaient, il y en a qui tuaient les animaux, il y en a qui servaient ici, il y en a qui faisaient ça. Tout le monde avait sa petite job quand il rentrait dans le temple. Tout le monde avait sa petite job-là. Donc, mais dans l'Ancien Testament, il y avait une tribu sur 12 qui avait à faire ça. Aujourd'hui, c'est tout le monde le fait. C'est ça la belle chose dans le Nouveau Testament. Il dit, c'est ça que l'apôtre Pierre va dire. Vous êtes des prêtres. Toute la gang, vous êtes des prêtres. Vous êtes un sacerdoce pour Dieu. Tout le monde. Ah, fantastique. Fantastique. Prions. Notre bon Père du ciel, c'est un privilège d'être dans ta maison et de te servir. C'est un privilège. Ça ne devrait pas être loin de là d'être un fardeau. On ne devrait pas le faire parce qu'on ne veut pas se sentir coupable. On veut le faire parce que tu le mérites. Tu mérites tout l'honneur, toute la gloire. Ô notre Dieu, par ton Esprit Saint, montre-nous, à chacun de nous, la place que tu nous as préparée pour ce qu'on doit faire pour. Seigneur, aussi par ton esprit, si on n'aspire pas, convainc-nous de pécher. Si on n'aspire pas à te servir, convainc-nous de pécher, afin qu'on puisse se lever et dire, je suis un serviteur, une servante de Dieu, qu'il me soit fait selon ta volonté. Seigneur notre Dieu, on veut garder. On veut comprendre que ce n'est pas un livre à qui tu as confié la vérité, c'est à l'Église. C'est à l'Église elle-même, parce que l'Église, ton Église a fonctionné pendant des siècles sans avoir des bibles des mains. C'est à l'Église qui transmettait la vérité. Donc, aide-nous, Seigneur, à vivre ainsi. Afin que notre conscience soit pure ou notre conscience soit propre. Aide-nous à conserver le mystère de la foi et de la piété dans une conscience pure. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gaëtan. Merci encore, François, pour ce bel enseignement. Si vous voulez, j'aimerais, si vous voulez tourner vos bibles, dans Jérémie 31. On pourrait lire quelques versets. Ça va dans l'ancien arrière. Hein? Ouais. OK, Jérémie 31. Ouais, Jérémie 31, à partir du verset 31. OK, Nouvelle Alliance. Le verset 31. Voici que les jours viennent où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où il les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ainsi parle l'Éternel qui donne le soleil pour éclairer le jour, les phases de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui de le nom dont le nom est l'Éternel des armées. Mm. Et c'est de notre Dieu qu'il est question. Et cette alliance, comme il est dit au verset 31, elle était accomplie à la croix par Jésus. Dans Marc 14, ça dit, cette coupe, c'est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle qui est répandue pour beaucoup. Et dans ce beaucoup-là, dans la question, nous faisons partie de ce beaucoup-là. Nous tous ici, frères et sœurs qui sommes ici, on fait partie de ce beaucoup-là. François, il disait tantôt en début, quand il priait, il disait comment il est bon de s'arrêter pour regarder à ce que Dieu a à nous dire quand il nous amène ici tous ensemble. Qu'est-ce que Dieu, de la façon dont Dieu nous parle. Puis il est bon aussi de s'arrêter pour prendre le repos du Seigneur, pour se rappeler ce que Jésus a fait et de la façon dont il l'a fait. Parce que lui nous dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est Jésus qui nous demande ça. Fait que on va prendre le repas, on va procéder à la même façon de procéder que les autres semaines. Puis après ça, on va faire jouer un morceau. Et après le morceau, ceux et celles qui aimeraient rendre grâce, prier, remercier le Seigneur, bon, on pourra le faire. Prenons ce repas en se rappelant Jésus. Des fois, je m'arrête à ça, puis quand il est dans la chambre haute avec ses disciples, qui prend le dernier repas, lui, il sait tout. Qu'est-ce qui va lui arriver? dans les prochaines heures, si on peut dire. Mais il est resté à la table. Il ne s'est pas mis la table. Il est parti, il est resté là. Et il accomplit ce que son père lui avait demandé d'accomplir. Fait que la dernière nuit, il a pris le pain, il l'a séparé, il l'a tranché, et il l'a offert à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Mangez. » Même à la fin du repas, il prit la coupe, il la partagea avec ses disciples, il leur dit, ceci est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versée pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. S'il y a des frères, des sœurs qui aimeraient s'adresser au Seigneur, soyons libres de le faire. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Merci pour la croix. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur que quand on prend le repas du Seigneur, on se rappelle cet événement, je dirais cet événement grandiose qui a été, que tu as fait à la croix. On veut te célébrer, on veut te louer, t'exalter, te glorifier. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Notre bon Père du ciel, on vient de se rappeler ce que tu as fait en Jésus. Pour qu'on devienne tes serviteurs et tes servantes. aucun de nous qui peut saisir l'ampleur des souffrances que tu as subies. Souffrances physiques, spirituelles, émotionnelles, parce que tout le monde t'a abandonné. Tu as souffert de toutes sortes de façons. À un tel point que Luc nous dit que tu as eu besoin d'être encouragé par un ange. Quelle grande vérité. Jusqu'au dernier moment, tu as prié, Seigneur, donne-moi la grâce de faire ce que tu veux. Donc on voit que Jésus était complètement humain. Donne-moi la grâce de faire ce que tu veux. Et tu as répondu à sa prière, il est allé à la croix. Et c'est à cause de cette croix, cette justice qui a été accomplie là, que nous sommes aujourd'hui justifiés. Nous sommes déclarés justes. Ô notre Père du ciel, donne-nous de jamais oublier ça en tant qu'Église. Notre justification vient de toi seul, par la repentance et la foi. On ne peut rien rajouter, rien y enlever. Apprends-nous, Seigneur, à être reconnaissant de ce que tu as fait. Qu'on puisse t'honorer dans ta maison et dans le monde. Qu'on puisse t'honorer parce que tu as accompli cela. Qu'on puisse élever ton nom avec joie, avec enthousiasme, avec audace même, si je peux le dire. Tu es digne, comme on vient de chanter. Tu es digne parce que tu as accompli cela. Amen. Amen. Amen. Thank you.